avec ses longues ficelles à me traîner. C'est ta journée des permissions. T'es emmerdé des pesticides de elle. Faut pacifier, faut pacifique, faut détourner la belle. Replonger, courir à perdre ceux qui sont au bout des ficelles. Que faut-elle? Juste des doigts. Je suicidais à la traîne. Quelle autre politique et enchaîne balicitique. Désarmé, je rêve à des filles suspendues qui montrent leur culture et qui tuent. Les tétons crèvent sous le sol, l'air est infâme. Thank you. moi.